السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، on est toujours dans l'explication de Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى كالملخص في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى. Et on est arrivé au chapitre باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات وقول الله تعالى وهم يكفرون بالرحمن الآية. Donc Cheikh l'Islam Mohamed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit: chapitre au sujet de ceux qui renient quelque chose parmi les noms et attributs d'Allah. Et donc ici, on va s'attacher à étudier l'une des catégories du tawhid qui est tawhid l'asma wassifat. Et comme Cheikh al-Fawzan va l'expliquer dans un instant, il y a trois catégories de tawhid: tawhid al-rububiyya, tawhid al-uluhiyya et tawhid al-asma wassifat. Donc kitab al-tawhid de Cheikh l'Islam Mohamed ibn al-Wahhab rahimahullah ta'ala n'est pas que sur tawhid al-ibada. Il y a des abwab aussi sur l'asma wassifat. Donc ici justement il dit: chapitre au sujet de ceux qui renient quelque chose parmi les noms et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et puis il cite, il dit un verset, il dit wa qawli Allah ta'ala wa hum yakfuruna birrahman al-aya. C'est une partie du verset, c'est pour ça qu'il a dit al-aya. Et il dit donc: et de la parole d'Allah le Très-Haut dont la traduction du sens est cependant qu'il ne croit pas au tout miséricordieux. Jusqu'à la fin du verset al-aya, c'est-à-dire jusqu'à la fin du verset. Et justement Cheikh Al-Fawzan hafidhahullah ta'ala, il dit, hein, comme j'avais déjà expliqué, peut-être que certains frères n'étaient pas là, que Cheikh Al-Athimi dans Sharh Kitab Tawhid, il dit il y a un taqdir ici. Ça peut être taqdir akmil al-aya, c'est-à-dire fini le verset. Ala kulli hal. Et Cheikh Al-Fawzan il dit ici tamam al-ayati, justement la fin du verset est qul huwa rabbi la ilaha illa hu alayhi tawakkaltu wa ilayhi matab. La fin du verset est ce dont la traduction du sens est: dit c'est lui mon Seigneur, pas d'autre divinité à part lui, en lui je place ma confiance et à lui je me repens. Surat Ra'd, verset 30. مناسبه الباب لكتاب التوحيد. لما كان التوحيد ثلاثة أنواع: توحيد الربوبية وتوحيد الإلهية وتوحيد الأسماء والصفات، وكان الإيمان بالله لا يحصل إلا بتحقق هذه الثلاثة، نبه المصنف رحمه الله تعالى بهذا الباب على هذا النوع ليبين حكم من جحده. Alors ici, quel est le rapport entre le chapitre qu'on est en train d'étudier ici et le livre d'unicité? Ce chapitre dans lequel s'articule, ou plutôt ce livre d'unicité dans lequel s'articule ce chapitre par rapport aux autres chapitres qu'il y avait avant. Et donc il dit ici, le rapport entre le chapitre et le livre d'unicité, comme l'unicité est de trois catégories: l'unicité de seigneurie et l'unicité de divinité et l'unicité des noms et attributs. Et comme la foi en Allah ne se réalise que par la concrétisation de ces trois catégories, l'auteur, rahimahullah, a attiré l'attention au moyen de ce chapitre sur cette catégorie précise, l'asma ou sifat, c'est ça que ça veut dire, afin de clarifier le jugement de ceux qui renient cette catégorie. On continue, ici c'est babu, il explique maintenant, babu man jahada ila akhiri kalam musannif rahimahullah. Babu man jahada ila akhir al-kalam. Chapitre au sujet de ceux qui renient, etc. jusqu'à la fin de la parole du Cheikh l'Islam Mohammed ibn Abd al-Wahhab rahimahullah ta'ala. Il dit ay annahu yakfuru bidhalik. Parce qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit babu man jahada ay annahu yakfuru bidhalik. C'est-à-dire que chapitre au sujet de ceux qui renient, etc. c'est-à-dire qu'il mécroit en cela. وهم أي كفار قريش. ici dans le verset وهم يكفرون بالرحمن. c'est qui وهم? c'est قريش, كفار قريش. c'est-à-dire les mécréants de قريش. يكفرون بالرحمن أي يجحدون هذا الاسم. c'est pour ça il a dit chapitre باب من جحد. باب من جحد شيئا من الأسماء والصفات. il a dit donc ici أي يجحدون هذا الاسم مع إيمانهم بالله. فالرحمن اسم من أسماء الله والرحمة صفة من صفاته. يكفرون بالرحمن, ils ne croient pas au tout miséricordieux. C'est-à-dire qu'ils renient ce nom, tout en croyant en Allah. Et on va le voir dans un hadith rapporté dans un instant, inshallah, qu'on va, on va lire. Vous allez voir qu'ils n'acceptaient pas ce nom, Ar-Rahman. Et donc ici, il dit, Ar-Rahman, le tout miséricordieux, est un nom parmi les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et la miséricorde est un attribut parmi ses attributs. C'est-à-dire, on tire des attributs des noms, mais on ne tire pas des noms des attributs. C'est une règle connue dans l'asma ou sifat. D'accord? Donc, d'ailleurs, il faudrait peut-être qu'un... Parce que jusqu'à présent, on a touché quelques sujets, on a fait quelques sujets sur l'asma ou sifat, mais on n'a jamais fait un livre encore dans l'asma ou sifat. Donc, peut-être que le livre prochain, moi je pense à Keshf Shubuhat, parce que c'est la suite logique que les mashir recommandent après Kitab al-Tawhid. Beaucoup de mashir recommandent de ne pas faire Keshf Shubuhat si on n'a pas fait Kitab al-Tawhid. Parce que tu as fait le ta'sil, et après les Shubuhat sont ramenés, et puis il y a le rad sur ces Shubuhat-là. Mais tu as déjà les bases dans le Tawhid, en ayant fait Kitab al-Tawhid, avant de rentrer dans Keshf Shubuhat. Une des raisons aussi pour lesquelles j'en parlais à des frères tout à l'heure, à Salat al-Dohr, parce que ce livre, je l'ai fait avec Sharobed en direct. Et il n'existe pas en publication, mais j'ai les cours de l'époque, c'était en 2004. Et donc, comme c'est un livre que j'ai fait avec ce Sheikh, je voulais vous rapporter. Parce qu'il est vraiment, Sharobed, il avait fait vraiment une explication très détaillée. Et la pédagogie, elle était excellente. Donc, peut-être qu'on va faire ça, Inch'Allah. Et il faudrait peut-être, si on ne tarde pas dans celui-là, en tout cas, nous, on l'avait fait, je pense, en. Que je ne dise pas de bêtises, si je me souviens bien, on l'avait fait en 4 cours, Keshf Shubuhat. 4 cours. Si je ne me trompe pas, c'était 4. 4 ou c'était 6 maximum. Moi, je me souviens, c'était 4. Entre 4 et 6 maximum. Soit on fera ça, soit on pourrait faire, par exemple, un livre que j'aimerais vraiment faire un jour, c'est le Wasitiyya, de Cheikh l'Islam, de Taymi, rahimahullah ta'ala. Alors là, il y a beaucoup de shuruhat qui sont connus et qui sont notamment. Celui de Cheikh Rouchaïd, c'est Tuhfa Saniya, qui est d'ailleurs, si je ne me trompe pas, Muqarr à l'université de Médine. Et il y a aussi le fameux Sharh de Cheikh Al-Uthaymin, bien sûr, et d'autres, Cheikh Al-Fawzan et d'autres Mashaykhs. Cheikh Zayd, il a été imprimé il n'y a pas longtemps aussi, et d'autres Mashaykhs. Donc les Shurouh, ce n'est pas le problème, il faut juste que. Annie, c'est vrai que quand on veut faire des livres, on veut tout faire en même temps. Ce n'est pas possible, ça. Surtout qu'avant, on avait deux tasses par semaine, on avait un tasse dans l'Aqida et un tasse dans le Fiqh. Puis quand Aboudris est revenu de Médine, il a pris le mardi, donc et c'est la logique, parce que c'est en Angleterre ici, donc ils ont la priorité. On s'est retrouvé avec un cours, et donc on est resté sur l'Aqida. Et c'est pour ça qu'on n'a plus fait de fiqh d'ailleurs depuis. On va voir, Inch'Allah. Mais tout faire, ce n'est pas possible en même temps. Et donc, comme ils disent, les ulama, ils disent, والعلم إن طلبته كثير والوقت عن تحصيله قليل فقدم الأهم فالأهم والعلم إن طلبته كثير العلم si tu le cherches, si tu le demandes, si tu fais la quête de la science, il est beaucoup, il est vaste. Elle est vaste, la science, elle est vaste. والوقت عن تحصيله قليل et le temps pour l'acquérir est peu moindre, il est limité. فقدم الأهم فالأهم. Donc fais passer ce qui est important avant ce qui est moins important. Et j'en profite encore pour faire une autre nasiha qui va me bénéficier à moi et à vous, Inch'Allah. C'est que c'est là qu'on voit l'ikhlas, bien sûr, et c'est là qu'on voit aussi les frères et les sœurs qui suivent la méthodologie des ulama. Parce que les ulama, c'est des ulama, donc ils ont appris. Et quand ils t'enseignent la science, ils ne t'enseignent pas que la science en tant que telle. Pur. Il te donne quoi aussi avec? La méthodologie pour l'acquérir. Et les frères et les sœurs qui avancent dans leur science et donc dans leur religion, ce sont ceux qui suivent les nasaïh des ulama et qui suivent les tawjihad, les orientations, et qui suivent cette méthodologie qui est donnée par les gens de science. Parce que c'est eux qui ont la science et c'est eux qui te montrent aussi comment l'apprendre et comment l'acquérir, etc. Et donc, il y a des différentes sciences à étudier et il y a différentes. Il y a différents livres dans chaque science étudiée. Et donc, il y a un ordre. Il y a un ordre. Et d'ailleurs, l'alim rabbani, parmi les définitions que les ulama ont données, ou alim qu'on appelle rabbani, ils ont dit, c'est الذي يعلم الناس صغار المسائل قبل كبارها. Celui qui apprend aux gens les petites affaires avant les grandes. D'accord? Si tu ne rentres pas, un frère, il vient de commencer, il dit vas-y dans le Bukhari, va dans le Muslim, etc. Non, tu dis va dans Arba al-Nawiyya, tu commences comme ça tout doucement, etc. La même chose dans le fiqh, la même chose dans l'aqida, la même chose dans le mustalah, la même chose dans toutes les sciences, c'est comme ça. Tu commences d'abord par le muhtasarat, et après par le muhtasarat, c'est-à-dire les livres qui sont concis, et qui sont faits justement pour les débutants. Et puis après, ce qui est médian, les livres moyens, et puis ce qui est le mutawwalat, ce qui est allongé, c'est les livres qui sont plus vastes, qui sont, etc. Et c'est comme ça que le talib ilm, il se construit. Il y a beaucoup de choses à dire sur ce sujet-là, et les ulama, ils ont écrit des livres sur la manhajia, la méthodologie, pour apprendre la science. Je vais vous donner un titre que je vous conseille vivement, et subhanallah, Allah Azza wa Jalla a voulu que c'est un des premiers livres que je lis en arabe. Et c'est Kitab al-Ilm de Cheikh al-Uthaymin. Kitab al-Ilm de Cheikh al-Uthaymin. Je vous le conseille. Yani, si vous ne l'avez pas lu, vous avez raté quelque chose dans votre vie. Sarahat, je vous le dis comme ça. Et Allah Azza wa Jalla a voulu que je le lise à Mecca en plus, dans le haram. Et je me rappelle, subhanallah, yani, je lisais, je faisais dua pour le Cheikh, je dis subhanallah. Yani, comment lire un livre comme ça, il peut te changer la vie. Un livre. Parce qu'il t'ouvre. L'esprit, il t'ouvre sur la manière d'apprendre. Et le Cheikh, justement, dans la première moitié du livre, il explique, il donne beaucoup de nasaïh sur la méthodologie, et d'ailleurs, il donne un programme complet, par matière, avec des livres dans l'ordre, etc. Et l'autre moitié du livre, c'est des questions-réponses dans Talab al-Ilm. Donc, je vous le recommande vivement, Kitab al-Ilm de Cheikh Mohamed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah ta'ala. Je ne sais pas s'il a été traduit. De toute façon, en anglais partiellement, là, même en anglais, ça va être quoi? Ça va être you study mustalah hadith, daif, c'est pas en anglais ici, mais c'est l'arabe, les frères. Voilà l'arabe. Allez, tu goûteras les livres quand, oui, évidemment, c'est comme on a dit toujours, c'est une béquille. Ça, oh là là, et justement, un des problèmes de la traduction anglaise, c'est un des revers de la traduction, c'est que. Il y a un intérêt moindre pour la langue arabe parce qu'il y a tellement de traductions. Ça, oh là là. Parce que les Français, quelque part, c'est khalas, ou t'apprends l'arabe ou tu restes n'tama, t'arraf ou alou. C'est vrai, oh là là. Donc, en français, ça s'améliore, etc. Mais je le dis, je le redis, apprenez la langue arabe. Wallahi, apprenez la langue arabe. C'est pour ça que je vous dis, on a ouvert le Merkez Furqan, on a ouvert lundi, là, c'est la première semaine. Pour le moment, le merkez, c'est quoi? C'est l'arabe, tijouid et tahfid le Coran, c'est tout. Quand j'irai là-bas, une fois par semaine, une fois par mois, une dora pour des livres, ce qu'il faut un petit peu en arabe et en français, etc. Mais on va essayer de toujours merkez d'abord sur la langue arabe et toujours merkez sur l'apprentissage et l'enseignement de la langue arabe. Et donc, ces livres-là, ils vous facilitent vraiment, vraiment la vie. Il y a un autre livre que je vous conseille vraiment qui est très, très petit, que tu peux lire en quelques heures. Qui est d'Ibn Barjis, rahimahullah ta'ala. C'est un cheikh, un savant qui est mort très jeune, rahmatullah alayh, mais qui était mutamakkin. C'est quelqu'un qui avait un niveau. Les ulama, ils en parlent comme un alim. Mais il est mort très jeune, rahimahullah. Si je ne me trompe pas, la trentaine ou début de la quarantaine, alim maximum. Rahmatullah alayh. Il y a des vidéos de lui que vous trouvez sur internet, il y a des livres, il a écrit beaucoup de livres. Et notamment, il a écrit Hawa'iqut Talab. Hawa'iqut Talab, du pluriel de Ha'iq. C'est les choses qui t'empêchent. De tlab l'ilm. C'est comme des barrières ou des bâtons dans les roues, des obstacles, qui t'empêchent d'acquérir la science. Ça, c'est le genre de livre que tu étudies justement pour savoir dans quoi tu dois pas tomber. Parce que si tu ne sais pas, tu vas tomber. D'accord? Donc, je vous recommande vivement de lire des livres comme ça. Il y en a d'autres. Mais ça, je vous ai cité juste un ou deux titres comme ça de tête, Annie, que je vous conseille vraiment, et il y en a beaucoup d'autres. On revient ici. On a dit quoi? Il a dit Qul. C'est-à-dire, Ya Muhammad, raddan alayhim fi kufrihim bin Rahman. Qul dit, oh Muhammad, en réfutation à leur égard, quant à leur reniement d'un Rahman. Huwa Rabbi, ayar Rahmanu, azza wa jal, Rabbi wa in kafartum bih. Huwa Rabbi, c'est lui mon Seigneur. C'est-à-dire, Ar-Rahman est mon Seigneur. Et ce même si vous m'écroyez en lui. La ilaha illa hu, ay la ma'bouda bi haqqin siwa. La ilaha illallah, pas d'autre divinité à part lui, c'est-à-dire nul n'est en droit d'être adoré à part Allah. Et c'est ça la traduction correcte de la ilaha illallah, nul n'est en droit d'être adoré à part Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à beaucoup de traductions, on voit il n'y a de Dieu que Dieu. Alayhi, la ala ghayri. Alayhi, tawakkalt, yani alayhi, et en lui, et en personne d'autre que lui. En lui et en personne d'autre que lui. توكلت فوضت أموري كلها إليه واعتمدت عليه. توكلت, je place ma confiance, c'est-à-dire je m'en remets dans toutes mes affaires à lui et je compte sur lui. Ensuite, وإليه متاب مرجعي وتوبتي. وإليه متاب, et à lui je me repens, mon retour et mon repentir. Le sens général maintenant du verset de sourate Ra'd, verset 30, c'est quoi? C'est المعنى الإجمالي للآية أن الله سبحانه وتعالى ينكر على مشرك قريش جحودهم لإسمه الرحمن ويأمر رسوله محمدا صلى الله عليه وسلم أن يرد عليهم هذا الجحود ويعلن إيمانه بربه وأسمائه وصفاته وأنه سبحانه هو الذي يستحق العبادة وحده ويتوكل عليه ويتوكل عليه ويرجع إليه في جميع الأمور ويتاب إليه من الذنوب ويتوكل عليه ويرجع إليه في جميع الأمور ويتاب إليه من الذنوب. Ici, le sens général du verset. Allah, le Très-Haut, subhanahu wa ta'ala, il blâme, il reproche aux politistes de Quraysh, il leur blâme, il les blâme en raison de leur reniement de son nom Ar-Rahman. Et il leur donne à son messager Mohammed, alayhi salatu wassalam, de les réfuter quant à ce reniement et de déclarer sa foi en son Seigneur et en ses noms et en ses attributs. Et qu'il est exalté soit-il, celui qui est le seul en droit d'être adoré et de placer sa confiance en lui et de s'en remettre à lui dans toutes les affaires et de se repentir des péchés à lui. Et je reviens un peu sur le sujet d'Asma Sifat. Cheikh Abdelrazak al-Badr, il a un très très bon livre qui a été traduit en français, si je ne me trompe pas. Je ne connais pas la qualité de la traduction. Et c'est Asbab Ziyadat al-Iman wa Nuqsani. Excellent livre, vraiment excellent livre. Comme beaucoup d'autres livres de Cheikh Hafidahullah Ta'ala. Et c'est un livre où il rapporte les raisons et les causes qui aident à l'augmentation de la foi, mais aussi à sa diminution. Et justement, il cite parmi les premiers, si pas le premier, c'est quoi? Et pour augmenter la foi, c'est la connaissance d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, la connaissance de ses noms et de ses attributs. Hein? Donc c'est vraiment un sujet, Ali, très très très important. Et pour les frères qui ont plus en arabe qu'en français, mais au moins peut-être en français aussi, qu'on peut déjà lire un livre, lire un livre comme par exemple l'Ouassetéa, ne fût-ce que l'Ouassetéa par exemple, de Cheikh Ismaïl Boutaïmia, vous voyez l'effet que ça sur l'individu, sur la foi et sur l'aqida, c'est un effet immense sur la personne. On continue. مناسبه الايه للباب ان جحود شيء من اسماء الله وصفاته كفر. Le rapport entre le verset et le chapitre. Donc on a chaque fois le rapport du chapitre par rapport au livre d'unicité dans lequel il s'articule. Et puis on a aussi le rapport des adillah ou de ce qui est cité. Il y a des versets, il y a des hadiths, il y a des athars. Et il dit si c'est un verset, quel verset, le rapport de ce verset avec le chapitre dans lequel il s'articule aussi. Eh bien c'est que, Cheikh dit ici, renier quelque chose parmi les noms d'Allah et ses attributs est une mécréance. وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ. ما يستفاد من الآية؟ أولا أن الجحود شيء من الأسماء والصفات كفر. Premièrement, au premier enseignement tiré de ce verset, renier quelque chose parmi les noms et attributs, c'est-à-dire d'Allah subhanahu wa ta'ala, est une mépréhance. L'obligation de croire en les noms d'Allah et en ses attributs. Troisièmement, وجوب التوكل على الله والتوبة إليه. L'obligation de placer la confiance en Allah et de se repentir à lui, subhanahu wa ta'ala. Quatrièmement, وُجُوبُ إِخْلَاصِ الْعِبَادَةِ لِلَّهِ. L'obligation de vouer une adoration sincère, c'est-à-dire exclusive, à Allah seul, subhanahu wa ta'ala. On continue dans le matn. وَفِي صَحِحِ الْبُخَارِ قَالَ عَلِيٌّ حَدِّثُ النَّاسَ بِمَا يَعْرِفُونَ أَتُرِيدُونَ أَنْ يُكَذِّبَ اللَّهِ. Ici, il est marqué Yukadhiballahu wa Rasuluh. Et c'est normalement An Yukadhiballahu wa Rasuluh. Changez ça. Yukadhiba. Sinon, ce serait quoi? Si c'était Yukadziba. Non, mais comment ce serait ici? Ce serait. Non, non, si c'était Yukadziba, ce serait quoi? Ce serait un yukadziba Allah wa rasulahu. Donc ici, changer, c'est yukadziba Allah wa rasulahu. Ici, regarde comment il est le verbe ici. Aturiduna un yukadziba. Faire attention si tu laisses la dhamma après. Ça veut dire que tu mets Allah azza wa jalla comme le sujet du. Du verbe faire attention à ça ici. Donc si tu veux oublier le majhoul, ça doit être yukadzaba. Sinon, ce serait alors si c'était que ce verbe-là, ce serait ici, Allah jalla, il serait mef'oul bihi mansoub. Et ce serait yukadzaba. Allah. Ça n'a rien à voir avec le rubai. Regarde le verbe, regarde juste le verbe. Mais c'est pour ça qu'ici, regarde. Yukadzaba alors. Pas yukadzaba. C'est yukadzaba, le mef'oul, le majhoul ici, ou le même yusuf mafa'iluhu, parce que c'est la parole d'Allah Azza wa Jalla ici, je ne peux pas dire mef'oul, le majhoul. Le même yusuf mafa'iluhu, c'est yukadzaba, 100%, il n'y a pas d'autre chose. Parce que justement, comme tu as dit, le verbe c'est kadzaba, yukadzibu. Donc yukadzab. Mef'oul, le même yusuf mafa'iluhu, yukadzab. Tu comprends? Donc ici, c'est obligé qu'il faut changer, c'est yukadzaba, yukadzaba. Parce que si tu veux que je te dise ici, mais yani, c'est pas moi qui dis ça, mais si tu dis que. Yani, pas toi, mais si tu, quelqu'un dit que c'est juste, alors c'est comme si c'est Allah lui qui est de l'aïdou billah. Tu vois, c'est obligé de faire attention ici. C'est une faute de frappe, c'est tout, mais. Donc ici, on a dit Sahih al-Bukhari, et dans l'authentique de Sahih al-Bukhari, dans l'authentique de Bukhari, pardon, Ali, il dit Ali, c'est Ali ibn Abi Talib qu'on va le voir dans un instant. Parlez aux gens en fonction de ce qu'ils connaissent, comprennent. Voulez-vous qu'Allah et son messager soient considérés comme mensongers? D'accord? Eh bien, Cheikh Al-Fawzan explique cela en disant « Sahih al-Bukhari, ay al-kitab la jama'a fihi al-Bukhari al-ahadith al-sahiha. Wal-Bukhari huwa l'imam Muhammad ibn Ismail al-Bukhari nisbatan ila Bukhara balda fil mashriq wa kitabu asah kitab ba'da kitabillah. » Ici, l'authentique d'Al-Bukhari, c'est-à-dire le livre dans lequel Al-Bukhari a regroupé les hadiths authentiques. Et Al-Bukhari, c'est qui? C'est l'imam Muhammad ibn Ismail Al-Bukhari. En affiliation au lieu de, qu'on appelle Bukhara, Bukhara, qui se trouve en Orient, au Mashriq. Et son livre est le livre le plus authentique après le livre d'Allah subhanahu wa ta'ala. المعنى الإجمالي للأثر c'est quoi le sens de ce أثر ici de Ali رضي الله عنه c'est un أثر que les ulama cite beaucoup et il dit ici le Cheikh Al-Fawzan حفظه الله تعالى يرشد أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أنه لا ينبغي أن يحدث ici regardez le même verbe يحدث comme يكذب يحدث عامة الناس là c'est juste إلا بما هو معروف يدفع الناس في أصل دينهم وأحكامه من التوحيد وبيان الحلال والحرام ويترك ما يشيشي ويترك ما ويترك ما يشغل عن ذلك مما لا حاجة إليه أو كان مما قد يؤدي إلى رد الحق وعدم قبوله مما يشتب عليهم فهمه ويصعب عليهم إدراكه وقد قال ذلك حينما كثر القصاص أي الوعاظ في خلافته. Quel est le sens général de ce atar de Ali radiallahu anhu arda? Eh bien, c'est que le prince des croyants, Ali ibn Abi Talib ibn Kala Lutri ou l'agré, indique qu'il convient de parler au commun des gens, l'awam, que de ce qui est connu et ce qui est utile aux gens dans le fondement de leur religion. Et ses jugements en termes d'unicité et de clarification du licite et de l'illicite, et qu'il convient de délaisser ce qui distresse de cela, parmi les choses dont on n'a pas besoin. Ou parmi les choses qui peuvent résulter en le rejet de la vérité. et en la non-acceptation de la vérité parmi les choses dont la compréhension peut leur être problématique et ambiguë, et parmi les choses qu'ils ont difficile à comprendre. Pourquoi? Parce que les gens ne sont pas tous au même niveau dans l'idrak et dans le fahm. Ils ne sont pas tous au même niveau. Je n'ai pas besoin de voir, je connais ce que je dis, après tu vas me montrer après le dars, inchallah. Hein? Donc on a dit quoi ici? C'est que c'est très important. J'en étais où ici? Voilà, qu'il y a des gens, ils sont mortalifouna fi fahmihim ou fi idrakihim. Et ça, c'est important dans fiqh da'wa. C'est très important dans fiqh da'wa. Et en tant que salafi, encore une fois, quand on lit intelligemment, il faut comprendre ce que le mashaykh veut nous dire ici, et il faut mettre ça en application nous-mêmes. C'est qu'on ne parle pas de tout sujet à toute personne. Ici, la parole, elle est claire. Il dit, parmi les choses dont la compréhension peut leur être problématique à ces awam parmi les gens, et ambigu, et parmi les choses qu'ils ont difficiles à comprendre. Et il a dit cela lorsque les conteurs d'histoire se sont multipliés, ce qu'on appelle en arabe al-wa'ad ou bien al-qussas. En arabe, le qussas, et Cheikh l'a expliqué en disant que c'était al-wa'ad. Hein? Le qussas, c'est ceux qui basent leur da'wah sur en racontant des histoires. D'accord? Et al-wa'ad, c'est le pluriel de wa'id avec un va à la fin. Et le wa'id, ben ça vient du mot wa'ad en arabe qui est le rappel, l'exhortation. Donc ce qu'on appelle wa'ad, c'est ceux qui basent leur da'wah qu'avec des rappels, des exhortations, etc. D'accord? Et justement, il y a des gens comme ça qui sont multipliés à l'époque de son califat, et c'est pour ça que Ali radhiallahu anhu, il a dit ça. مناسبة الأثر للباب يأتي بيانها بعد ذكر الأثر الذي بعده. Le rapport entre l'athar et le chapitre, l'explication de cela va suivre après la citation du athar qui suit celui-ci. Parce que là, on a cité un athar qui est de Ali, retenez celui-ci. Il va citer un autre athar, ici, qui est d'Ibn Abbas, radiallahu anhuma, et il va faire en plus, après, avec les deux athars, pourquoi Ani, quel est le rapport avec le chapitre. En attendant, il donne comme une faïda par rapport à ce athar de Ali, radiallahu anhu, ardah, il dit, ma yustafadu min al-athar, anhu ida khushya dararun, من تحديث الناس ببعض ما لا يفهمون فلا ينبغي تحديثهم بذلك وإن كان حقا وإن كان حقا. Les enseignements extraits de ce atar, ici on en a un en tout cas, lorsqu'on a peur que parler aux gens de ce qu'ils ne peuvent pas comprendre ait des conséquences nuisibles, alors il ne convient pas de leur parler de cela, et ce même si c'est une vérité. Inch'Allah, si on a le temps après, que si, je pense qu'elle sera la Cheikh Al-Uthaymeen de Al-Wasitiyah, je vous donnerai un exemple concret de ça. Cheikh Al-Uthaymeen, il fait un tafsir, il dit, est-ce que ça, tu le dis devant l'awam ou pas? Et il dit que ça revient au da'i qui doit avoir la hikma. Et je vous le lirai après si je le retrouve, inshallah. On continue dans le matn, justement le deuxième athar auquel on faisait référence ici. وَرَوَى أَبُو عَبْدِ الرَّزَّاقِ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ ابْنِ طَاووسٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ رَأَى رَجُلًا انْتَفَضَ لَمَّا سَمِعَ حَدِيثًا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي الصِّفَاتِ استنكارا لذلك فقال ما فرقوا ici c'est فرقوا hein, c'est pas فرقوا ما فرقوا هؤلاء يجدون رقة عند محكمه ويهلكون عند متشابهه انتهى كلامه. L'auteur qui est Cheikh al-Islam Mohamed ibn Abdul Wahhab rahimahullah ta'ala, il dit, et Abd al-Razzaq a rapporté de Ma'mar, d'après Ibn Tawus, d'après son père, d'après Ibn Abbas, qu'il a vu qu'un homme a sursauté lorsqu'il a entendu un hadith du prophète alayhi salatu wassalam sur les attributs d'Allah, désapprouvant cela, istinkaran lidhalik. Et il dit, quelle est la peur de cela? Il trouve une acceptation, c'est-à-dire une facilité à accepter, ce qui en est clair, sans équivoque, le muhkam. Mais s'égare quant à ce qu'il peut en prêter à équivoque. Et ici, le ulama, quand il dit ce mutashab, moi j'aime bien traduire ça par ce qui peut prêter à équivoque, pas ce qui équivoque. Pourquoi? Parce que le ulama, il dit que le mutashab, ça peut prêter à équivoque pour celui qui n'est pas enraciné dans la science. Amma rasikhun fil ilm, fayakouloun, amanna bihi kulum indi rabbina, amma yadhakkaru illa ulul albab, dans surat Ali Imran, la première page. Hein? Vous connaissez le verset, voilà, dit Anzal. عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهة فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. D'accord? Donc moi c'est pour ça que j'aime bien traduire ça par des versets ou des textes qui peuvent prêter à équivoque pour celui qui ne comprend pas, qui n'a pas l'ilm. Mais sinon, les versets, bon, les ulama, ils sont wadhin parce qu'ils renvoient justement le mutashabih au muhkam. Donc ici, on explique ce que dit Charles Fouzan ici, Hafidahullah Ta'ala, il dit At-Tarajum, les biographies, parce qu'il y a plusieurs noms qui sont cités ici. Le premier, Abdurrazzaq. Abdurrazzaq, c'est Abdurrazzaq, ibn Hammam, As-Sanani, l'imam, l'hafiz, صاحب المصنفات مات سنة 11 بعد 100 هجرية رحمه الله تعالى. Donc on a dit quoi ici? C'est عبد الرزاق بن همام الصنعاني l'imam, le hafiz, l'auteur d'ouvrage, décédé en l'an 211 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde. معمر c'est qui? هو أبو عروة معمر بن راشد الأزدي البصري ثقة ثبت مات سنة 54 بعد 100 هجرية رحمه الله تعالى. معمر c'est qui? Deuxième nom, c'est عروة. C'est Abu Urwah, pardon, Abu Urwah Ma'amar ibn Rashid al-Azadi al-Basri, digne de confiance, Thabt, yani Thiqa Thabt, décédé en l'an 154 de l'Hégire, qu'Allah lui fasse miséricorde. Ibn Tawus, c'est qui? C'est Abdullah ibn Tawus al-Yamani, Thiqa Fadil Abid, Matasana, Snatin, Ba'da Thalathin wa Mi'a, Hijriya, Rahimahullahu Ta'ala. Ibn Tawus, c'est Abdullah ibn Tawus al-Yamani, digne de confiance, c'est un homme de vertu, un Rajul Fadil, rahimahullah, un adorateur pur, un abid, décédé en l'an 132 de l'Hégire. Mais dans les termes, intafada ay irta'ada. Intafada, il a sursauté, c'est-à-dire il a frémi, irta'ada. Frémir, trembler, frémir, sursauter. Faqala ay ibn Abbas, c'est-à-dire, qui a dit, quand il a dit, c'est ibn Abbas qui parle. Ma faraqu haoula. Ma faraqu haoula. Ici, le ma, c'est interrogatif, c'est pas négatif. C'est une particule interrogative. Donc, il dit ici, ma istifhamiya. C'est une particule interrogative. Faraqu, bi fath al fa wa ra, ay khawfun. Un faraq, ici, c'est quoi le mot ici? C'est khawf. C'est le sens de peur. Haoula, ceci. يشير إلى أناس يحضرون مجلس له من عامة الناس. هؤلاء ceux-ci, il fait référence ابن عباس رضي الله عنهما aux gens qui sont présents à son assise parmi les gens de la masse. رقة لينا وقبولا. Une facilité et une acceptation. محكم ما وضح معناه فلم يلتبس على أحد. Ici c'est une définition importante pour vous, pour ceux qui veulent savoir c'est quoi le محكم. Eh bien, ce qui en est clair sans équivoque. C'est-à-dire, ce dont le sens est clair et dont le sens n'est ambigu pour personne. Et maintenant, c'est quoi le mutashabih? Mutashabihi, mashtaba alihim fahmuhu. Ce qui n'en est pas clair, elle peut prêter à équivoque. C'est-à-dire, au sujet duquel la compréhension le rend difficile, ambigu. Pourquoi? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure, ce n'est pas des gens qui sont racinés dans la science. Donc, eux, ils peuvent avoir une ambiguïté, ils peuvent avoir une difficulté dans la compréhension de ces affaires-là. المعنى الإجمالي للأثر ينكر ابن عباس رضي الله عنهما على أناس ممن يحضر مجلسه من عامة الناس يحصل منهم خوف عندما يسمعون شيئا من أحاديث الصفات ويرتعدون استنكارا لذلك فلم يحصل منهم الإيمان الواجب بما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عرفوا معناه أو لم يعرفوه فتركوا ما وجب عليهم من الإيمان بما لم يعرفوا معناه من القرآن وهو حق لا يرتاب فيه مؤمن وبعضهم يحمله على غير معناه الذي أراده الله فيهلك بذلك. Quel est le sens général de ce atar ici d'Ibn Abbas رضي الله عنهما? Eh bien, c'est justement Ibn Abbas, qu'Allah l'agrée lui et son père, reproche à des gens qui sont présents à son assise parmi les gens de la masse d'avoir peur lorsqu'ils entendent quelque chose parmi les hadiths sur les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et sursaute en désapprouvant cela. Et donc la foi obligatoire en ce qui a été rapporté de manière authentique du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, et ceux qu'ils en aient compris le sens ou pas, ne s'est pas concrétisé pour eux. Et ils ont donc délaissé ce qu'il est obligatoire en termes de foi, en ce dont ils ne connaissent pas le sens dans le Coran. Alors que c'est une vérité au sujet de laquelle le croyant n'a aucun doute. Et certains parmi eux le comprennent d'une manière autre que le sens qu'a voulu Allah, et donc s'égarent en raison de cela. J'ai vu le mot foi ici, petite remarque par rapport à l'orthographe, C'est même choquant des fois, c'est beaucoup sur Twitter ou sur WhatsApp, etc. Il y a beaucoup de frères et de sœurs qui écrivent avec un E. avec un E, c'est l'organe du corps, c'est le foie. Hein, la foi, l'iman, c'est sans E, c'est F-O-I. Juste un petit rappel comme ça en passant au khlas. C'est impressionnant le nombre de gens qui écrivent dans les emails que je reçois, ma foi elle baisse, F-O-I-E. J'avais fait un tweet aussi sur le fait que beaucoup de gens, par exemple, ils écrivent Allah, subhanahu wa ta'ala, puis ils conjuguent le verbe au pluriel. En français. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué ça beaucoup dans les textes. Vous n'avez jamais vu ça. Allah Azza wa Jalla, il est unique, subhanahu wa ta'ala, mais en français, ils mettent par faute d'orthographe, ils mettent ils conjuguent au pluriel le verbe. Vous comprenez ça? Il n'y a rien à comprendre, c'est une faute. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut le conjuguer au singulier, c'est tout. C'est des petites corrections en passant comme ça, mais je vous le dis, c'est quand je vois des fois les emails que je reçois, etc., je me dis, Annie, c'est de pire en pire. C'est le niveau d'orthographe des gens, etc. Et si c'était que le niveau d'orthographe, des fois quand je lis des emails, franchement, je ne sais même pas ce qui est demandé de moi, je n'ai rien compris. Allah al-Musta'an. Ça, c'est un autre sujet. Mais المناسبه الاثر للباب بعدما ذكر المؤلف اثر علي رضي الله عنه الذي يدل على انه لا ينبغي تحديث الناس بما لا يعرفون ذكر هذا الاثر الذي يدل على ان نصوص الصفات ليست مما ينهى عن التحديث به بل ينبغي ذكرها واعلانها فليس استنكار بعض الناس لها بمانع من ذكرها فما زال العلماء قديما وحديثا يقرؤون ايات الصفات واحاديثها بحضره العوام والخواص. Là, justement, comme on l'a dit tout à l'heure, le cheikh Hafidhullah, il a dit qu'on va laisser l'explication du sens du athar d'Ali, général, quand il va parler du athar ibn Abbas. Là, il a parlé du athar ibn Abbas, donc il va expliquer les deux. Il dit, ibn Abbas, le rapport entre le athar et le chapitre, c'est ça qu'on lisait, après que l'auteur ait cité le athar d'Ali Kalalegré, qui indique qu'il ne convient pas de parler aux gens de sujets qu'ils ne comprennent pas. Il a cité ce athar qui indique les textes au sujet des attributs ne font pas partie de ceux au sujet duquel il est interdit de parler. Mais de plus, il convient de les citer et d'en faire l'annonce. Et donc la désapprobation de certains gens quant à ces textes ne sont pas une interdiction de les citer. Les savants du passé et du présent n'ont de cesse de réciter les versets relatifs aux attributs et les hadiths en présence des gens de la masse et des gens plus avertis. Les enseignements extraits du athar. Et avec ça, on a encore une petite partie, puis on aura fini le chapitre. Il dit, cher Al-Fawzan, hafidhahullah ta'ala, « Ma yustafadu min al-athar » Quels sont les enseignements extraits de ce athar d'Ibn Abbas, radiyallahu anhuma. Premièrement, il dit, « Annahu la mani'a min dhikri ayat al-sifat wa ahadithaha bi hadrati awami al-nasi wa khawassihim min babi al-ta'lim » Il n'y a pas de mal à citer les versets relatifs aux attributs, ainsi que les ahadiths en présence des gens de la masse et des gens plus avertis, afin de leur enseigner. ثانيا ان من رد شيئا من نصوص الصفات او استنكره بعد صحته فهو من الهالكين. Quiconque rejette quoi que ce soit parmi les textes relatifs aux attributs ou les désapprouve après que leur authenticité ait été établie fait partie des perdus. والعياذ بالله. ثالثا الانكار على من استنكر شيئا من نصوص الصفات. La désapprobation ou le blâme à l'encontre de ceux qui désapprouvent quelque chose parmi les textes des attributs. Dernière partie, Cheikh l'Islam Muhammad ibn Abdelhab, rahimahullah ta'ala, il dit « وَلَمَّا سَمِعَتْ قُرَيْشٌ رَسُولَ اللَّهِ صَلَى اللَّهِ وَسَلَمْ يَذْكُرُ الرَّحْمَانِ أَنْكَرُوا ذَلِكَ فَأَنْزَلَ اللَّهِ وَهُمْ يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَانِ » Lorsque Quraysh a entendu le message d'Allah صلى الله عليه وسلم citer Ar-Rahman, citer le mot Ar-Rahman, ils ont désapprouvé cela. Et donc Allah révéla ce dont la traduction du sens est cependant qu'il ne croit pas au tout miséricordieux. En référence au même verset dont on parlait tout à l'heure. Cheikh Al-Fawzan explique cela en disant المعنى الإجمالي للأثر يذكر الرحمن يعني حين كتب بسم الله الرحمن الرحيم في صلح الحديبية فقالوا أما الرحمن فلا نعرفه ولا ندري من الرحمن ولا نكتب إلا باسمك اللهم فيكون هذا هو سبب نزول الآية وقيل قالوا ذلك حينما سمعوا الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو في سجوده ويقول يا رحمن يا رحيم فقالوا هذا يزعم أنه يدعو واحدا وهو يدعو اثنين الرحمن والرحيم وهذا سبب آخر لنزول الآية ولا مانع أن تنزل الآية لسببين أو أكثر وتقدمت هذه الآية وما يتعلق بها في أول الباب. Le sens général du Athar, citer Ar-Rahman, c'est-à-dire lorsqu'il a écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, lors du pacte al-Hudaybiyah, quand les musulmans ils ont fait le pacte avec le kuffar al-Hudaybiyah, le fameux sulh al-Hudaybiyah, vraiment un hadith très très très important, et tout ce qui tourne autour du Hudaybiyah, c'est très très important dans Sirah, et tout ce qui en découle, toutes les fawaïd qui en découlent. Évidemment, le prophète Hassim, il a demandé que soit écrit Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Ils ont refusé le kuffar de Quraysh. Hein, et il dit ici, ils ont dit, et qu'est-ce qu'un Rahman? Nous ne le connaissons pas, et nous ne savons pas ce qu'est un Rahman. Et nous n'écrirons que en ton nom, ô Allah. Bismika Allahumma. Même si ça, ce n'est pas une bonne traduction, parce que Cheikh Al-Uthaymeen explique Allahumma. Il dit, par exemple, le mim, c'est une lettre en arabe qui est dalatun al-jam'a. Hein? C'est une lettre qui indique le pluriel. Il a dit que tu regroupes en fait. Il a dit c'est comme si tu regroupais tout ton cœur sur ce doua là. Il y a beaucoup de dire par Allahumma, mais nous, le français, il est limité. Donc, comment vous voulez vous traduire autrement que en ton nom, oh Allah? Il faudrait traduire l'explication alors de Allahumma, qu'est-ce que ça veut dire? Si vous, pour les frères qui veulent lire, il a fait un petit tafsir dans son explication Qol Mufid de Kitab al-Tawhid. Et puis il dit, et donc ceci fut la raison de la révélation du verset. Il fut aussi dit qu'ils ont dit cela lorsqu'ils ont entendu le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam faire des invocations dans sa prosternation, disant Ya Rahman, Ya Rahim. C'est-à-dire qu'il appelait, il disait Ô tout miséricordieux, ô très miséricordieux, le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont alors dit Quraysh, les kuffars de Quraysh, celui-ci invoque un unique, puis invoque deux, Ar-Rahman et Ar-Rahim. Et ceci est une autre cause de révélation du verset. Et ici, une règle importante, il n'y a pas de mal à ce qu'un verset soit révélé pour deux raisons ou plus. Et ce verset a été cité précédemment, ainsi que ce qui est relatif à ce verset au début du chapitre, sur Ra'd, verset 30. Mais en dernière partie, c'est quels sont les enseignements tirés de cette dernière partie du chapitre, en tout cas. Ma yustafadu min al-athar. Awalan thubutu al-asma'i wa al-sifat lillahi azza wa jal. L'affirmation des noms et des attributs à Allah exalté soit-il. Thaniyan, ana ta'addud al-asma' la yadullu ala ta'addud al-musamma. Le fait que les noms soient multiples n'indique pas que le nommé est multiple. Mashru'iyatu du'a illahi bi asma'ihi wa sifatihi. Le caractère légiféré d'invoquer Allah par ses noms et attributs. Avec cela, on a fini le cours d'aujourd'hui parce qu'on a fini le chapitre. Et donc la prochaine fois, inshallah, le cours 45, ce sera Babu qawlillahi ta'ala ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha al-aya. Jusqu'à la fin du chapitre. Et alors, on aura l'explication sur le Fawzan. Et ce chapitre aussi est court. Donc, il est possible qu'on fasse deux chapitres le cours prochain, Inch'Allah Ta'ala. Peut-être pas trois, ça va être trop. Mais peut-être deux, Inch'Allah. Wa jazakumullahu khairan. Wallahu alam. Wa subhanakum wa hamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.